Chez nous au troisième, il est un refrain. Notre patron l'aime autant que le boudin. On le répète à chaque instant pour conserver toujours 20 ans. Pas de mollesse, reste ton jeu. Pas de mollesse, reste ton jeu. La vie à la caserne n'a rien de tentant. En ce qui nous concerne, ça ne dure jamais longtemps. On nous donne des vieux bâtiments, on les retape et on fout le camp. Pas de mollesse, restons jeunes. Pas de mollesse, restons jeunes. Quand on s'est marié, j'étais sous-lieutenant. Tu m'as retrouvé un beau jour commandant. Je te reviendrai, colonel, pour notre troisième lune de miel. Pas de mollesse, restons jeunes. Pas de mollesse, restons jeunes. Au revoir, chérie, à mon prochain retour, je verrai le fruit de nos amours si courts. Bonjour monsieur, comment ça va? J'savais pas que t'étais mon papa. Pas de mollesse, restons jeunes. Pas de mollesse, restons jeunes. On nous a fait voir le beau Danube bleu, le continent noir, les blancs ballons neigeux. Si la terre jaune me rend morose, je verrai quand même la vie en rose. Pas de mollesse, restons jeunes. Pas de mollesse, restons jeunes. Si l'on voit sur la terre de toutes les couleurs, le vrai légionnaire y trouve son bonheur. Il crèvera sur son chemin, toujours loin du dépôt commun. Pas de mollesse, restons jeunes. Pas de mollesse.